Vous pouvez retourner dans l'Apocalypse. Merveilleux livre que nous sommes en train d'étudier. Je suis allé sur Internet cette semaine pour chercher des images de Jésus. Fait que j'étais allé sur toutes sortes de webshots, j'étais allé sur toutes sortes d'affaires pour aller chercher des images de Jésus. Puis, quelle image est-ce que je vais trouver sur la personne de Jésus? Quelles sont les images, vous pensez, que j'ai trouvées de la personne de Jésus? La plus fréquente, c'est Jésus à la croix. Donc, c'est Jésus sur la croix, c'est ce qu'on voit le plus souvent, en généralement. Ensuite, ça, qu'est-ce qu'on voit de lui? Jésus avec sa mère, oui. La crèche, on voit souvent Jésus dans la crèche. Jésus avec des enfants, oui, on voit ça à plusieurs reprises aussi. Jésus avec des enfants dans les bras ou assis, puis il y a des enfants autour de lui. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Jésus avec des moutons, un petit mouton sur son dos ou dans ses bras. Jésus ressuscité, oui, on voit Jésus qui sort du tombeau. On voit Jésus dans le ciel, à l'ascension, tu sais, il est à peu près 20 pieds au-dessus de ses apôtres. il arrête toujours à 20 pieds des images. À peu près à cette hauteur-là. Je n'ai pas trouvé de ça. Nous autres, on sait qu'il est assis sur un trône, mais je n'ai pas trouvé de ça vraiment, de lui. Et savez-vous que les images que nous avons dans notre tête, les images avec lesquelles nous avons été élevés de la part de Jésus, influencent notre compréhension de Jésus? Si le vieux dicton est vrai, une image vaut mille mots. On a entendu dire bien des choses par Jésus. Moi, j'ai été élevé dans ma famille, en tout cas, et l'image qu'on avait de Jésus devant nous, c'était Jésus crucifié sur une croix, mort. C'est ça qu'on voyait en grande partie de notre vie. Chez nous, dans la maison. À l'église, il y avait de toutes sortes d'images dans l'église où j'allais. Mais il y a une image que je n'ai jamais vue, et je l'ai trouvée sur le net, deux fois. C'est l'image de Jésus qu'on va voir ce matin. Le Jésus terrifiant, épeurant. C'est ça qu'on ne le voit pas. C'est des images. On ne veut pas le voir, cette petite partie-là de Jésus, cette facette-là que lui se présente. Ce n'est pas nous autres qui l'a inventé, c'est lui-même qui va se présenter comme ça à l'apôtre Jean. Un Jésus un peu terrifiant. Et on va essayer de découvrir aujourd'hui, puis dans les semaines quand on va étudier les églises, pourquoi il s'est présenté avec cette image-là. Pourquoi il n'est pas apparu à Jean avec un petit mouton dans ses bras, ou moi j'appelle ça le beau macho avec les cheveux blonds, les yeux bleus. Tu sais qu'on voit partout ces images. Jésus avait les yeux bleus. Ça me surprendrait beaucoup qu'il avait les yeux bleus. Vous savez pourquoi? Les Juifs n'ont pas les yeux bleus, personne. C'est chez les Juifs, ils n'ont pas les yeux bleus, personne. Ils ont tous les yeux bruns foncés aux yeux noirs. Il n'y a pas de blanc chez les Juifs non plus. C'est tous des gens foncés. Comme il n'y a pas de blanc chez les Noirs non plus. Les Noirs sont tous des petits cheveux crépus. Puis, ils sont noirs, il n'y a pas de blanc, là. Bon, il y en a aujourd'hui parce qu'on les teint un peu. Mais, donc, c'est Jésus-là, on ne le voit pas dans les Écritures. Mais c'est ce qu'on nous a présenté. Une fois, je suis allé chez un homosexuel, il y avait une image de Jésus dans son salon, et c'était un Jésus homosexuel. C'est Jésus très, très mince, la main a marché comme ça, les petits yeux bleus, les cheveux blonds. Et la façon qu'il regarde, dans son regard, on voit que c'est un homme qui est homosexuel. Et ça ne me surprenait pas, parce que c'est un homme homosexuel qui avait acheté la photo. Et ça n'a pas surpris, c'est un homme homosexuel qui avait peint la photo. Parce qu'il veut que Jésus l'accepte comme il est. Donc, sa perception de Jésus a influencé sa vie. Donc, Jésus est comme ça. Donc, si lui est comme ça, moi, je peux être de même aussi. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est une vision, une apparition de Jésus qui est un peu, je dirais, terrifiante. Et pas juste terrifiante dans son apparence, mais terrifiante dans ses paroles. Et il ne s'adresse pas au monde. s'adresse à l'Église. Pff, un peu énervant. Je vous l'ai dit, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour les inconvertis. Il a été écrit pour l'Église. Parce qu'il dit, écris ces choses et envoie-les à l'Église de... Hein, les sept églises. Il n'a pas dit envoyer ça à Rome. Il n'a pas dit envoyer ça à César, à Pilate. Non, il dit envoyer ça à l'Église. C'est à l'Église que je parle. C'est à eux autres que je veux parler. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est présenté comme ça? Et on va voir qu'il y a des raisons. Dans les mots qui vont venir, on voit qu'il y a des raisons pourquoi il se présente de même à l'Église. Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, il se présente comme un agneau immolé. Et puis, dans une des photos, là, c'est un agneau que j'ai vu, plein d'yeux, parce qu'il descend avec plein d'yeux, puis sept cornes. Fait que je vois ça sur une des photos que j'ai trouvées dans l'Internet. C'était ça. Ah, j'ai dit, ils ont mis la photo de Jésus dans l'Apocalypse 5. Un agneau qui est sur le trône de Dieu, immolé. C'est-à-dire que le cou coupé, puis il y a du sang qui a coulé. Si je le regarde demain, ça influence ma vie aussi. À l'église où j'allais, à l'église Saint-Christophe, à Tabasco, il y avait un agneau immolé dans l'église, une des photos qui était là, je me souviens. Et dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, on présente un Jésus chef d'armée. Il est sur son cheval blanc, puis il a son épée, puis il s'en vient, mon vieux, avec toute la gang en arrière, peu importe c'est qui qu'on pense que la gang, il s'en vient qu'une gang, il s'en vient faire la guerre, il s'en vient faire la bataille d'Armageddon. On le présente comme un chef d'armée puissant qui vient avec une fougue pour détruire le monde impie. Ça m'influence aussi quand je regarde ça. Ça m'influence. Jésus, il se présente de même. Donc, je dois l'accepter. Il se présente. C'est lui qui se présente. Nous, on en a fait des images plus ou moins vraies. Mais lui, quand il se présente, c'est vrai ce qu'il dit de lui-même. Mais ce matin, nous allons voir Jésus d'une autre façon. Et on va laisser... On va laisser cette image nous parler à chacun de nous. Parce que si je vous présente, hier j'étais chez la mère de Denise avec elle, puis il y avait une photo sur le mur, là, un paysage. La photo qui était là, j'avoue le style de photo, un beau petit chalet, avec une petite fumée qui sort, avec un beau lac, les grosses montagnes rocheuses en arrière. Qui veulent nous faire penser à quoi? À la tranquillité, à la paix, le bonheur d'être là. Et pour moi, les montagnes, la façon qu'il était dessiné les montagnes, était frappante. Pour moi, il était majestueux. Au point que j'ai dit, hey, regarde la photo, c'est beau. Ça m'a impressionné parce qu'il y avait une photo qui me parlait. Il n'y a pas de mots. Mais ma fille, elle était assise, comme ça, la photo était juste en arrière d'elle, comme ça, juste sur le bord. J'ai dit, belle, hein, ma peinture. Ma fille, elle fait ça comme ça, elle. On ne la trouvait pas si belle, hein? Je dis, viens ici. Et elle est venue au côté de moi, elle me dit, regarde là maintenant. Et là, elle dit, ah oui, c'est vrai, elle est belle. Trop proche, pas beau. Donc, on va essayer de regarder l'image que Jésus a donnée de lui-même, mais on va pas essayer de regarder trop de détails dedans. Il faut regarder l'image dans son ensemble. Puis quand je regarde l'image dans son ensemble, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Où est-ce qu'on fait les réunions de prière le mercredi soir? Il y a plein de photos sur les murs. Hein? Des photos de. On est dans la classe de religion, à Polyvalente. Puis il y a une photo, là. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. J'ai aucune idée. Mais il est habillé, le gars. Il est dans une espèce de retranche, de trou avec des. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a. Je ne sais pas si c'est une maison. J'espère que ce n'est pas sa maison. Puis il est habillé, là, en espèce de guignou. Mais il est sale. On ne voit pas la couleur de sa peau presque. Puis il y a des grosses lunettes, là. Des lunettes qui protègent de tous les côtés, c'est noir, là, comme s'il y avait de gros soleil. Puis il est tellement comme ça, puis ça me parle, ça me dit de quoi? L'ensemble, là, quand je le regarde le coup sec, je me dis, pauvre homme ou pauvre femme, je ne voudrais pas être dans sa place, je ne voudrais pas être là. Ça me dit quelque chose de suite, pauvreté, misère, difficulté, ça me dit ça. Donc, l'Apocalypse, quand elle nous donne une image, il ne faut pas s'arrêter aux détails, il faut voir l'image dans son ensemble. Il a regardé et dit, qu'est-ce que ça me projette? Qu'est-ce que ça me dit, moi, en le voyant? Et on va voir ça. Et on va voir quelle réaction que Jean a eue de cette image-là aussi ce matin. Parce que quand il l'a vu, lui, il réagit. Et nous, je pense qu'on devrait réagir un peu de la même façon avec cette image-là. Verset 9, Apocalypse 1, verset 9. Chacun peut lire, ceux qui veulent, deux ou trois versets. On va lire, je vais vous dire quand arrêter. D'autres. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, une apparition qu'on ne voit pas souvent. J'ai trouvé deux photos de ça sur Internet, deux peintures de Jésus comme cela. D'un Jésus avec des étoiles dans une main, des chandeliers et une épée qui sort de sa bouche. Du feu dans les yeux, les pieds tout rouges, parce que de l'airain ardent, c'est rouge, c'est du fer qui est rougi à blanc, on veut dire, quasiment. Cette perception-là de Jésus, on ne l'entend pas souvent parler. Mais ça devrait nous influencer dans notre vie. Quand les disciples ont vu Jésus mort sur la croix et qu'il était mort, leur Messie, leur Seigneur, leur Maître qui avait suivi pendant 3 ans meurt, et cette perception de Jésus qui est mort sur la croix les a foudroyés à un point tel qu'ils sont allés se cacher dans un trou et ils n'ont pas sorti de là. Ils avaient peur. Ils étaient déboussolés, ils étaient décontenancés, ils étaient apeurés, ils ne savaient plus quoi faire. Les disciples d'Emmaüs ont dit, on pensait que c'était lui, maintenant, mais on ne sait plus quoi faire. Ils sont retournés chez eux, bredouille, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus complètement. Leur Messie était mort. C'était l'image qu'ils avaient eue, les avait amenés à penser comme ça. Mais tout d'un coup, ils le revoient un peu plus tard, quelques jours plus tard, ressuscité. Et ça leur a changé toute leur vie, encore une fois. De peureux qu'ils étaient, tout d'un coup, ils avaient découvert et ils croyaient que ce Jésus-là, qui était ressuscité, était vraiment le Fils de Dieu et qu'il était ressuscité des morts. Et que maintenant, il leur avait dit, « Je m'en vais au ciel, préparer une place, et je reviens vous chercher. » Et tout d'un coup, ses disciples sont devenus audacieux, à un point tel qu'ils se levaient devant les foules, ils prêchaient l'Évangile. Ils avaient totalement changé, parce que l'image avait changé. Juste une image changée, la perception qu'il y avait de Jésus. Et cette perception que Jésus donne à l'Église, nous avons besoin de l'avoir aussi dans notre vie. Même si des fois, ça peut nous déranger, bien, ça peut nous faire peur un petit peu, ou nous donner un petit peu des compréhensions. Mais pourquoi il se présente de même à nous ce matin? Pourquoi? Bon, on va voir la vision. Quel est ce percepteur ou le récepteur de la vision. Qui reçoit la vision? C'est la première chose qu'on va voir ensemble. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'est important qu'on comprenne ça. Et c'est important que les gens qui vont recevoir la lettre de l'Apocalypse dans les églises comprennent bien qui les envoie cette lettre-là. Qui a écrit cette lettre-là? Jean, il dit, « Je suis votre frère. » Un frère comme vous, qui a part à la tribulation. Ça veut dire quoi? Y a-t-il d'autres traductions que tribulation? C'est quoi? À quoi vous pensez quand vous pensez tribulation? Conflit? Guerre? Trouble? Difficulté? On pourrait traduire persécution? On pourrait traduire. C'est ça que ça veut dire. C'est des gens qui avaient part à quelque chose de difficile dans leur vie. J'ai part à la tribulation. On va voir un peu plus loin qu'il l'appelle la grande tribulation. L'Église a été bâtie et va être bâtie dans un temps de tribulation. Elle ne sera jamais bâtie dans un temps de paix. Jamais. Jamais. Et partout dans le monde, dans toute l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, l'Église a toujours vécu des difficultés, de toutes sortes de façons. Plus ou moins. J'ai lu un livre à un moment donné qui disait qu'il y avait eu, depuis l'histoire de Jésus, depuis la mort de Jésus, 50 millions de chrétiens tués pour la foi. On appelle ça un peu de difficulté pour un groupe, n'est-ce pas? 50 millions. Ce n'est pas l'Église chrétienne qui dit ça. C'est vous qui vous donnez ces statistiques-là? Scotland Yard, la police de l'Angleterre, qui donnait ça. 50 millions sont morts pour la foi. Donc, c'est à travers la tribulation. Il y a un livre qui s'appelle « Le sentier du saint ». Et il donne l'histoire de toute l'Église à travers 2000 ans. Et il demande comment l'Église a grandi à travers les difficultés. À travers les difficultés. Ça veut dire qu'il faut faire exprès pour trouver les difficultés. C'est que les difficultés vont venir parce qu'on fait partie d'un monde qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas Jésus. Dans le film que j'ai regardé cette semaine, Jésus disait à ses disciples, ils vont vous traiter de la même façon qu'ils me traitent parce que vous êtes mes disciples. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus, votre frère, qui n'est pas à la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus. Je fais partie de la gang qui est comme vous. Je suis persécuté, je suis en difficulté. Là, il va dire un peu plus loin, je suis sur l'île de Patmos, je suis en prison à cause que j'ai triché sur mes impôts. Il n'a pas dit ça, non. Il a dit quoi? À cause du témoignage de Jésus ou de la parole de Dieu. À cause que je suis un chrétien. À cause que je persévère dans la foi. Les chrétiens ont besoin d'entendre cela. Quand ils vont recevoir la lettre, ils ne la reçoivent pas de quelqu'un qui est assis dans un beau palais et qui n'a pas de problème. Ici, ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais vous partager, la vision que j'ai reçue, moi aussi je suis comme vous autres, moi aussi je vis comme vous autres, moi aussi je souffre comme vous autres, moi aussi j'ai la même difficulté, je fais partie de la même gang que vous autres. Je ne vous dis pas ça, vous autres allez souffrir ça, puis moi je ne souffrirai rien. Je fais partie de la même gang. Donc c'est important pour eux qu'ils sachent le gars qui leur écrit. C'est un gars qui vit la même chose qu'eux autres. Donc il dit, si moi je le vis, vous pouvez le vivre aussi. Vous pouvez passer à travers comme moi je le fais. Donc je crois que Jésus a fait exprès pour choisir Jean. Il n'a pas choisi un disciple. Je suis certain qu'il y avait un disciple à travers les centaines de milliers qu'il y avait dans ce moment-là, qui ont écrit l'Apocalypse, dans l'embrassant après Jésus, je savais que Jésus aurait pu trouver un chrétien qui n'était pas en prison, qui n'aurait pas eu tant de souffrance que Jean avait. Mais je pense qu'il faut exprès pour en prendre un avec lequel les gens auraient pu s'identifier. Dire, bien, oui, je le comprends. Lui, il m'en parle, regarde, je sais, c'est ça qu'il vit, lui, tout là. Il ne me parle pas à travers son chapeau. Il me parle de quelque chose que lui est en train de vivre aussi. Donc, c'est lui, Jean. C'est lui, ce, cet homme qui a part à la tribulation. Et si vous prenez votre livre de l'Apocalypse, puis vous cherchez le mot tribulation, le mot persécution, c'est ça partout. C'est toute la grandeur. À partir que Jésus, j'ai inclus l'Apocalypse, 100 ans, à peu près 60 ans après la mort de Jésus, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le livre de l'Apocalypse couvre toute cette période d'histoire-là. Hein? Le livre de l'Apocalypse commence à la mort de Jésus, puis il couvre toute l'histoire jusqu'à la fin du monde, jusqu'à le retour de Jésus. Donc, toute cette histoire, partout où ce qu'on lit dans l'Apocalypse, il y a toujours de la tribulation. Il n'y a pas de moment dans l'histoire. J'ai entendu dire dernièrement, depuis quelques années, que dans le monde aujourd'hui, il meurt au moins 1000 chrétiens par jour pour la foi. On ne pense pas ça, hein, parce que nous, au Québec, on est dans un pays de la liberté pour le moment. Mais dans le monde, il y a 1000 chrétiens par jour qui meurent à cause de leur foi, au moins. Il y en a qui disent que c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Donc, il y a des chrétiens qui passent à travers les tribulations, à travers les difficultés. Et c'est cette église-là, cette église qui vivait ça, très intense. On nous dit que dans les années 90, 100, pendant que ça a été écrit l'Apocalypse, c'était dans le temps de Néron, l'empereur Néron, et c'était un moment excessivement fort de persécution contre l'Église. Et c'est cette Église-là qui reçoit l'Apocalypse. Et je crois qu'il faut, jusqu'à certains points, être capable de se mettre dans leur peau pour comprendre le message qu'ils reçoivent. Parce que souvent, le problème de l'Église, quand elle ne comprend pas que c'est les gens qui reçoivent étaient dans la tribulation, c'est vous ce qu'on fait? On lit l'Apocalypse, puis on... Ça ne nous touche pas beaucoup parce qu'on n'est pas dans ce qu'ils sont en train de vivre. On s'arrête sur des détails que ces chrétiens-là, probablement, ne s'arrêtaient pas du tout. Ils avaient besoin de percevoir quelque chose ou d'entendre un message qui était pour les aider dans leur vie chrétienne en tant qu'Église. Comment vous avez entendu d'astination, on appelle ça comme ça, de ça, c'est quoi la 666, puis c'est quoi le 666, c'est ça, puis c'est quoi la lila là, puis c'est quoi la lila là, puis des divisions, des chicanes épouvantables. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart de ces gens-là ne sont pas en train d'être persécutés très fort. Hein? Donc, automatiquement, ça laisse un paquet. Vous savez, il y a un vieux dicton de cultivateur qui dit « Je fais le donner, on ne regarde pas la bride. » Ça veut dire ça. Si je te donne une maison, je ne chiale pas sur la couleur. Rentre, puis chauffe-toi. Hein? Puis couche-toi à chaleur. Et je crois que quand ils ont reçu l'Apocalypse, le message qu'ils ont reçu, ça les a fait du bien. Ils n'ont pas commencé à s'arrêter sur les bagatelles, là, dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le percepteur. C'est cet homme-là, ce genre-là, qui a part à la tribulation, qui a part aussi au royaume de Dieu, qui a part à toutes ces souffrances qui parle ici. Il dit aussi, il a part à la persévérance. Parmi les chrétiens, il y en a qui disent que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Puis d'autres disent, c'est pas... Comment vous comprenez ça quand vous lisez la Bible, votre Bible, quand vous voyez les passages? Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. Mais ça dit ce que ça dit. Comme on comprend, c'est comme je le comprends, moi, ça dit ce que ça dit. Et toutes les fois que la Bible parle de persévérance, c'est toujours la plupart du temps, je dirais 99%, c'est toujours dans un contexte de tribulation, de difficulté à cause de la foi. Jean dit, j'ai peur à la persévérance. Donc, je persévère, même si je souffre, même si je suis en prison, même si je suis dans la difficulté à cause de Jésus, je persévère. Ici, il ne parle pas de la persévérance à l'Église le dimanche matin, tous les dimanches matins. On parle de la persévérance dans la foi, en Jésus, dans la persévérance de l'Évangile, de croire que c'est la vérité, de croire que c'est Jésus le Sauveur. On ne s'est pas trompé, c'est vraiment ça la vérité. Et je persévère dans la foi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'initiateur de la vision. Ce n'est pas Jean qui veut avoir la vision. La vision lui est donnée. C'est Jésus qui lui apparaît. C'est ce personnage-là. On sait que c'est Jésus, nous autres. C'est ce personnage-là. Je ne sais pas si Jean a hésité quelques minutes avant de découvrir c'est qui que c'était. Je ne sais pas s'il s'est posé la question, mais c'est qui ce personnage-là? C'est qui cet homme-là? Lui, tout probablement, c'était la première fois qu'il voyait Jésus comme ça. Lui, tout l'avait vu pendant qu'il était vivant sur la terre. Lui, tout l'avait vu mort à la croix. Puis il était probablement le seul disciple qui était là quand Jésus est mort sur la croix avec, avec Marie, puis sa mère, et Marie-Madeleine, ce qu'on pense, là, qui était à la croix. Jean l'a vu mort à la croix. Jean l'a vu ressusciter aussi avec Pierre et les autres apôtres. Jean l'a vu monter au ciel. Mais je crois qu'il ne l'avait jamais vu comme ça. Et quand il l'a vu, peut-être ce matin-là, il a dit, c'est qui ça, cette affaire-là? C'est qui ce personnage-là? Ça a peut-être pris quelques minutes avant que Jésus lui dise, c'est moi. Par la description qu'il a donnée de lui-même, il a fini par comprendre que c'était Jésus. Donc, il dit qu'il est saisi. Il est comme pogné, il est comme apostrophé. Et tout d'un coup, ça lui arrive soudainement, une vision dans sa prison. Il y en a qui ont déjà vu une peinture de ça. Jésus n'était pas dans un cachot, il était plutôt assis sur une roche dehors. En tout cas, peu importe où, mais il est saisi. Ça y arrive soudainement, une vision qui apparaît comme ça. Il dit, je fus saisi au jour du Seigneur. Il y en a qui disent que c'était le jour du Seigneur, c'est comme le dimanche ou le sabbat. Ou il y en a qui disent qu'il était saisi, il était comme transporté dans la présence de Dieu, au jour du Seigneur. Pas facile à saisir qu'est-ce que Jean voulait dire. Mais une chose est certaine, peu importe qu'est-ce qu'on en pense, il fut emmené dans une présence, dans la présence de Jésus. C'est Jésus qui veut se révéler comme cela. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est Jésus qui dit, voilà Jean, regarde-moi bien. Je veux que tu présentes cette image, cette vision. Je veux que tu l'écrives. Je me suis demandé la question, y as-tu fait un dessin? As-tu dessiné quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne nous a pas été transmis, si c'est ça. J'aurais aimé voir. En tout cas, ça nous prend de l'imagination. Hein? On ferme les yeux et on essaie de voir à quoi ça ressemblait cet homme-là, ce personnage-là. Mais il dit à Jean, dans verset 10, 11, « Je veux que tu l'écrives. Je veux que tu la dises. Je veux que toute l'Église le voie. » Donc, ce n'était pas juste pour lui, c'était pour tout le monde. Et Jean, dans toute cette vision-là, il dit « Je veux que tu écrives ce que tu entends et ce que tu vois. » Parce qu'il a entendu quelque chose. Hein? Il dit « Je me suis retourné de bord parce qu'il entendait quelque chose en arrière. Il entendait une grosse voix. » Comme la voix de grandes eaux. Qui a déjà été aux chutes Niagara? Ouais, hein? Quand vous êtes proche, vous criez les oreilles pour vous entendre, vous n'entendez rien. Ça fait tellement de bruit. Et Jean, c'est ce qu'il dit ici. La voix était forte, terrifiante. Ce n'est pas la seule fois. À plusieurs reprises dans l'Apocalypse, Jean entend une voix forte qui le fait quasiment branler et shaker. Qu'il fait sursauter. Alors, des fois, Dieu s'est présenté avec un doux murmure hein, à Élie, à Élie. Une voix douce, douce. Mais ici, il se présente à Jean avec une voix de tonnerre, une voix qui gronde, une voix qui bouleverse. Il dit, écris cela. Je veux que tu l'écrives. Je veux que ça se transmette. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on doit inventer. Ça a été écrit. Donc, il nous laisse l'imagination, parce qu'il n'y a pas de photo dans nos bibles. Donc, il nous laisse l'imagination de voir ce personnage-là. Et je vous encourage à lire le texte à plusieurs reprises et essayer de méditer, essayer de, dans votre tête, si vous avez la capacité de vous faire une image de la personne de Jésus. Je vous dis que ça va influencer votre vie chrétienne. Ça va influencer votre vie chrétienne. Maintenant, voyons la description qu'il donne. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Qu'est-ce qui est le plus frappant? Il voit un personnage qui est entouré de quelque chose. Il y a quoi autour de lui? 7 chandeliers. Il y a des lumières, là. 7 chandeliers. Il nous a dit plus loin que ça représentait les 7 églises. Et il les nomme. Les 7 églises. Et c'est tout en Asie. Il me semblait que j'avais mis... une photo, puis je ne la trouve pas. Mon ordinateur, c'est sa faute. pour me trouver la faute à quelqu'un. Hein. J'avais un message, j'avais une photo, puis je ne la trouve pas. J'avais ah oui, je l'ai mis sur mon PowerPoint. Ah bon, excusez-moi. OK, je vais vous présenter ça un autre dimanche. Donc, cette église est entre lui. Et Jésus se trouve où? Au milieu des sept églises. Là, il dit, il voit quelqu'un qui est comme un ange, un fils de l'homme. Donc, ça ressemblait à un homme de façon quelconque. Il n'y a pas grands hommes avec des épées dans la bouche. Il n'y a pas grands hommes qui ont des yeux de feu. Mais ça ressemblait, il semblable à un fils de l'homme. Ça ressemblait à un homme, au moins. Parce qu'il avait une tête, puis il avait des mains, des jambes, il avait un corps. Mais c'est un drôle de bizarre d'humanoïde. Hein? Une espèce d'extraterrestre. Il dit, il ressemble à un homme. Et il a aussi une grande robe longue, blanche. Et dans le ciel, vous allez remarquer que tout le monde a des robes blanches et longues. Tout le monde. Hommes, femmes, les anges, les béats, Jésus, tout le monde a des robes blanches. Ça, je pense que ça symbolise quelque chose jusqu'à certains points. Mais Jésus aussi, il voit cet homme-là, le semblant d'homme-là, avec une grande robe blanche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur la poitrine? Une ceinture d'or sur la poitrine. Il n'est pas le seul. Hein? Il n'est pas le seul à avoir cette ceinture-là, parce que les anges qui tenaient les sept fléaux sortir du temple revêtus d'un lin pur, blanc-blanche, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Donc, il y en a d'autres dans le ciel, qui n'y a pas juste Jésus qui a une robe blanche avec une ceinture en or. Il y a des anges aussi qui en ont. Il y a des êtres qui en ont dans le ciel aussi. Donc, il n'est pas le seul. Pas tout le monde, mais Jésus en a une, puis il y en a d'autres qui en ont. Et qu'est-ce qu'on nous dit de sa tête? Ses cheveux sont comme très, très blancs. Très, très blancs. Ses yeux sont comme du feu. Comme des feux à la place des yeux. Ça brûle, ça flamme à l'intérieur. Ses pieds, qu'est-ce qu'il nous dit de ses pieds? C'est du bronze. C'est du bronze, comme c'est comme une colonne de feu. C'est rouge. Probablement que ça doit être... Tu sais, du fer rouge, j'avais déjà vu ça, du fer chauffé. Ça ressemblait à ça. Et sa voix était comme une voix de grandes eaux, une voix de tonnerre, une voix forte, une voix qui ébranle, qui surprend, qui saisit. Quelle image est-ce que ça vous donne? Quelle sensation que ça vous donne? Et on n'a pas fini. Et dans sa main, il y a des étoiles, sept étoiles. Il dit que les étoiles, ça représente les anges des sept églises. Les anges, le mot « ange », c'est une mauvaise traduction. C'est le mot qui devait être traduit. N'as-tu qu'une autre Bible que... Hein? Non, ça c'est apôtre. C'est le mot « ange » veut dire « messager ». On devrait traduire « messager » en français. Ce mot « ange-là » vient d'un mot latin. « Angelus ». Angelus, vous avez entendu ça? L'angelus, c'est l'ange qui parle à Marie. L'angelus, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. C'est ce qu'on appelle l'angelus. C'est un ange. Ça vient de ce mot latin-là. Ils ont traduit « ange », mais il aurait dû traduire « messager ». Voici sept messagers. C'est pour ça qu'il va dire les sept anges des églises, c'est les sept messagers. Il dit « Donne ces lettres-là aux messagers qui allaient le donner à l'église. » Non, on ne sait pas vraiment c'est qui ces sept personnages-là. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils doivent aller donner le message à l'Église. Et le plus surprenant, une des choses les plus surprenantes, c'est qu'il y a quelque chose de spécial dans la face. Il y a une épée qui sort de sa bouche. Une épée qui sort de sa bouche. Une épée à deux tranchants. Et son visage est comme quoi? Comme un soleil. Ça brille. Vous savez ce qu'on fait quand on regarde le soleil un petit peu? On fait toute la grimace. Donc, Jean est là, il voit ce personnage qui ressemble à un homme, qui a des yeux de flamme, ça brille, une épée qui sort, toutes les chandelles tout autour de lui, les chandeliers, les étoiles dans sa main. Ça a été toute une vision. C'est une vision qui ne l'a pas laissé indifférent. C'est ce qu'on va voir maintenant, la réaction à la vision. Verset 17. Regardez ça et Lisez bien. Qu'est-ce que Jean a fait quand il a eu la vision? Il est tombé comme mort. La plupart des commentateurs disent qu'il est mort. C'est la mort. Père. En voyant la vision. On en voit d'autres dans l'Apocalypse, dans la Bible en entier, quand ils voyaient des anges arriver ou des apparitions de Dieu. Isaïe, quand tu as vu le trône de Dieu, la réaction, quand tu vois cela, c'est tu vois un monde des êtres d'un autre monde, tu as une réaction. Et la réaction de Jean, c'est il tombe comme mort. Comme Isaïe qui dit quoi, lui? Malheur à moi, malheur à moi. Jérémie dit la même chose. Moïse a peur quand il voit Dieu sur Mont Sinaï. Tout le monde a peur. Et c'est une réaction normale pour le pécheur. Je vous garantis, si Dieu apparaîtrait sur la ville de Tremblant aujourd'hui, et que tous les gens de la ville de Tremblant le verraient apparaître, ils tomberaient tous à terre comme morts. Il ne ferait pas « Ah, oh, que c'est beau! » Il ne ferait pas ça. Parce que la réaction naturelle pour l'être humain quand il voit Dieu, Dieu a dit même, « Tu ne peux pas me voir et vivre. » C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas François. Il dit, « Aucun être humain peut me voir et rester vivant. » Ça dit pas mal sur la personne de Dieu. Et sur nous autres, les pécheurs qu'on est. La réaction normale devant cet être-là qui est apparu à Jean, c'était tellement fort ce qu'il a vu, c'était tellement terrifiant, qu'il en est mort. Même s'il est tombé comme mort, même si on ne pense pas qu'il est mort physiquement, ou médicalement parlant, il est tombé comme mort. En tout cas, il a perdu connaissance. Je ne sais pas si c'est fendu le front. Peut-être qu'il était sur un nuage, puis il ne s'est pas fendu le front, lui. Hein. Il était juste tombé, puis « Ah, une chance qu'il y avait un matelas! » Mais il est tombé à terre. Et je crois que c'est voulu. Il veut que l'Église voie cela. Il veut que l'Église reçoive ce message-là. Il veut que l'Église voie Jean tomber mort. Pourquoi est-ce qu'il veut ça? Pourquoi est-ce qu'il... Quel message il veut donner à l'Église, à nous autres aussi, ses enfants? Parce que c'est nous, nous aussi, on reçoit l'image ce matin, là, à travers les Écritures. Mais, une chance, ça n'arrête pas là. Jésus s'approche, qu'est-ce qu'il fait? Il touche Jean. Puis il dit quoi? Sois sans crainte, n'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de moi. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Hein? Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Jean? Regardez bien. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il lui dit, voici ce qui je suis. Et toi, tu n'as pas à craindre. Parce que pourquoi? Tu es celui qui persévère. Celui qui croit en moi. Tu es un de ceux qui croient au royaume de Dieu. Tu es un de ceux qui a accepté de mourir même pour moi s'il fallait. Tu es un de ceux qui ont accepté la prison et la mort, s'il fallait. Tu crois en moi. Tu persévères en moi. Donc, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Il y a plusieurs reprises dans la Bible quand on voit des apparitions de Dieu ou des anges dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Hein, Jésus, quand il est apparu après sa résurrection, il dit, ne craignez point. Il dit ça, ne craignez point, ne craignez point. Mais il dit ça seulement à ses disciples. Les autres devraient craindre. Donc, Jésus est en train de passer un message. Voici comment je suis. Voici ma perception, la perception que vous devez avoir de moi. Si vous ne croyez pas en moi, si vous ne persévérez pas en moi, si vous ne gardez pas le royaume de Dieu, si vous ne vous, vous, vous ne croyez pas en moi que je suis le Messie, vous allez tomber. Non. Parce qu'on va voir tout à l'heure dans les églises, aquels qui vont recevoir la lettre, il va leur dire, je vous ai dit, une des grandes raisons de l'Apocalypse, c'est de produire la repentance dans l'église. Donc, il se présente comme étant un Jésus qui, si vous ne vous repentez pas de ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train de me rejeter, vous êtes en train de vouloir rejeter l'Évangile pour sauver votre peau. Attention, voici la perception que vous devez avoir de moi. Je ne suis pas un bonasse. Je ne suis pas un niaiseux qu'on peut rejeter puis ça va passer pareil. Je ne suis pas une espèce d'épais, là. Vous ne pouvez pas vous foutre de ma gueule puis penser que ça va continuer comme ça. Vous ne pouvez pas faire semblant et vous allez, « Ah oui, oh Dieu est bon, il va m'accepter, je suis sauvé, c'est pas grave. » Ah, attention! Il veut passer un message à l'Église. Si tu, on va voir dans les Églises qui dit, « Si tu ne te repens pas, je vais te combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. » Il leur dit, « Je vais venir avec l'épée que j'ai dans ma bouche, puis je vais vous détruire. » Donc, il est tenté de passer un message très clair à l'Église. Il va falloir que vous changez de votre façon de percevoir, ou de me percevoir, ou de façon d'agir, ou je vais vous détruire avec le restant des hommes que je vais détruire. C'est un Jésus qui se présente avec une forte personnalité. Il se présente à Jean dans le verset 18 à 20, il se présente comme celui qui règne, celui qui est fort, je suis premier, je suis le tout-puissant, je suis celui qui est là et qui dirige, j'ai les clés de la mort, c'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort, c'est moi le puissant, c'est moi, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur tout ce qui se passe. Vous savez, dans l'histoire, il y a les deux extrêmes tout le temps. Un Dieu qui est méchant, quasiment, qui ne sauve pas personne, qui est dur, ou un Jésus bonasse, qui laisse passer tout le monde. Moi, j'ai été élevé où quasiment personne n'allait jamais au ciel. Tout le monde s'en allait au purgatoire quelque part. Je n'ai pas personne n'allait au ciel, ou presque pas. Il n'y a pas qui rentre au ciel. Puis là, tout qui passe par le purgatoire, une secousse. Puis aujourd'hui, Dieu est bon, tout le monde va être sauvé. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux, tout le monde va au ciel. On parle des extrêmes, il faut garder l'équilibre avec ça. Et je crois que l'Église ici, en tout cas une partie de l'Église qui était là, a besoin de voir la perception de Jésus. Hey, regardez qui je suis. Regardez qui je suis. Vous avez besoin de percevoir qui je suis et de prendre une décision, parce que si vous continuez comme cela, je vais venir et je vais vous combattre. Il dit ça à plusieurs reprises. Je vais venir et je vais vous combattre. Je vais vous détruire. Donc, nous, moi, personnellement, c'est comme ça que je le perçois. En tant qu'Église, nous devons nous évaluer. En tant que personne, individuellement aussi, nous devons s'évaluer. Est-ce qu'on fait partie de ça? Est-ce qu'on fait partie de ça? Est-ce qu'on a besoin de percevoir Jésus comme cela, et est-ce que Jésus va nous mettre la main sur l'épaule et dire, « Hey, n'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de moi. » C'est à nous autres de prendre la décision pour nous, chacun de nous personnellement. Personne ne peut le faire pour nous autres. Mais je crois que il ne faut pas le prendre à la légère. La tendance, c'est, « Ah, oh, mais ça, c'est pas moi. Puis je suis sur le côté, c'est pas moi. » Pensons-y. Réfléchissons. On va passer quelques semaines là-dessus parce j'en vais aller jusqu'au chapitre 4, qu'on va avoir le temps de passer les sept églises, de regarder ça et de dire, est-ce que je me retrouve moi là-dedans? Est-ce que j'ai besoin de me repentir? Est-ce que j'ai besoin de réévaluer ma vie ou ma profession de foi ou mon engagement ou quelque chose de même, afin que je ne sois pas un de ceux que Dieu va être obligé de me dire, toi, tu dois craindre. Prions ensemble. Merci Seigneur Dieu pour cette vision que tu as donnée à Jean. Et par Jean à nous. Seigneur, c'est difficile pour nous parce qu'on a tendance à te percevoir plutôt comme celui qui est sur la croix, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui veut nous faire du bien. Et c'est vrai. Mais tu connais la tendance humaine. Tu connais le cœur humain. Et ce matin, tu nous donnes une autre carte à mettre dans notre jeu. Tu nous donnes un autre tableau à mettre sur le mur dans notre chambre à coucher ou dans notre salon. Afin qu'on n'oublie pas qui tu es aussi. Tu ce personnage que j'ai enlevé. Ce personnage nous dit que tu es au milieu de l'Église. Tu te tiens avec nous et tu perçois ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous vivons. Seigneur, je crois que tu nous vois avec tes yeux de feu et tu nous vois bien mieux que nous on peut se percevoir. Nous te disons ce matin que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour que lui, cet Esprit Saint, puisse nous montrer, nous faire comprendre, nous ouvrir le cœur et l'esprit afin qu'on perçoive vraiment dans quel état nous sommes individuellement et en tant qu'Église. C'est bien mieux que tu nous le montres aujourd'hui que quand il va être trop tard. Parle-nous ce matin. Parle-nous pendant la semaine. Parle-nous pendant cette étude de l'Apocalypse. Et c'est au nom de ce merveilleux personnage que nous te prions ce matin. Amen.